peut-être pas dû la quitter comme ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais elle m'a aussi bien embêté, ok, ok. Jour après jour, oui, moi j'ampule, un peu plus loin dans le ridicule. Je te prends, je t'aime, et je t'encule, je te jette, ma vie est si nulle, comme dans une nouvelle de Beck Bédé. Comme dans une nouvelle de Beck Bédé. Beck Bédé. J'aurais pas dû lui casser ses dents, j'avoue, j'avoue. Mais elle m'a quand même embêté 2 ans, pas vous, pas vous. Toujours plus proche d'un salopard, je cherche un peu dans mon falzard. Je veux y trouver un bon rasoir, histoire d'y voir la superficialité d'une élite puissante et tarée, luciférienne et surpayée. Prière d'Obama et Satan vit est mort aux Illuminati. Comme dans une nouvelle de Beck Bédé. Beck Bédé. Comme dans une nouvelle de Beck Bédé. Beck Bédé. Comme dans une nouvelle de Beck Bédé. Beck Bédé. Comme dans une nouvelle de Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé. Beck Bédé.